jouer les chromas à 30 piges, finir traité, c'est pété. Ah, au fait, c'est vrai, ta Rome, je l'ai traité. Plus rien à foutre, je crève, et dans ma tête, j'ai chiffre d'image. Cri de race, prix de sage, flashback, accord décryptage. Anti-crypts rouge, blue, des royales, je vois que mon sang coule. Ah oui, je dû faire la boule pendant que mes souvenirs s'enculent. J'ai rien vécu, projet fake d'élu. Pour rester en vie, en secret, j'irai à terrain. Ces fils de pute m'avaient pointé un vie. Carpe diem avec la mienne, mais à qui je ferai envie, j'ai fait un vœu. Revenir en arrière pour rêver un peu. 13 et 16, nubi chrono, pour les portes la mort entre eux. Je suis le genre qui vit l'instant présent, sans présent qui fait le plus possible. S'il faut fumer la vie, ce sera jusqu'au fil. Je veux pas te faire un long roman des bons moments que j'ai vécu, ou dire comment j'ai pu soulever des tasses, bouiller des faves. Mon kiff, c'est de faire bouger les masses, bouger les jouer les masques, représenter sans plaisanter mon crew et mes gars. Alors roulez bédaves, les schools et les vagues. Le hip hop à tous les étages, on met la pop dans tous ses états. Futuristique et l'escadrille, on rêve de rouler l'état. Faire du liquide en famille, fini de bouffer des pâtes. Une vie de stress, mauvais business, on veut plus couper des barres. Le style blesse, on vient pour toucher des barres. Je veux vivre l'instant présent, rien n'est permanent. Des souvenirs balayés par le vent. Si seulement, je veux vivre l'instant présent, rien n'est permanent. Des souvenirs balayés par le vent. Si seulement, faut que je me repentisse. Pense tous avant que le gong ne retentisse, on danse tous avec le diable. Samedi soir à l'Atlantis, la tangentisse, la toile de nos vices, donc sois attentif. On est autant tu, je suis sûr qu'on a vécu autant de teufs. C'est barbare, je te veux barbour, échappe par beurre, on part pour succès. Sous essence, mais les gros carbures, mauvais quart d'heure. On lève la barre dure avec ardeur. Rap de pape, de rap de test, ça fait un moment que ça dure. Ça sidère, mon rap hardcore, mais cette vie est si dure. Syndicat du crime, on adhère et nos vies dures, on adore. Ça joue les martyrs, ça tire de la tête, on peut pas partir. C'est pas de pérission, jalouse à tous ceux qui boivent le père. On dirait que la vie est un boulet que je traîne comme un cancer. Je pense au futur sans cesse, marre de vivre un enfer. Rap en vert comme sur une page, je livre un poème. Je crie ma colère car le bonheur devient fictif comme un rire à Noël. C'est ça le problème, c'est ça le prophète, me rend pessimiste. La mort est prévisible et le site invisible comme l'art moderne. Mais j'ai mes rêves à assouvir, mes souvenirs pour pleurer. Et une vie pleine d'espoir sans avoir de peine à se nourrir. J'emmerde les voyants, leur apocalypse ira de marée. Ils aillent se faire, j'ai pas fini de vivre, ils me font grave marrer. C'est mal barré mais je garde le sourire. Et je vis au jour le jour sans prendre la tête plutôt que mener une vie de taré. Je veux vivre l'instant présent.